Abusé, levez-vous. La justice a rendu son verdict. Par les faits qui vous ont reproché, nous vous déclarons coupable. Cette décision est sans appel. De penser, même les deux points liés, je continuerai à rêver toujours derrière ces portes métalliques. C'est mon esprit qui détient la mécanique. Pas besoin de clic-clic. Ne rends pas ma liberté de penser, même les deux points liés, je continuerai à rêver toujours derrière ces portes métalliques. C'est mon esprit qui détient la mécanique. Pas besoin de clic-clic. Je t'écris cette lettre avant que mes pensées disparaissent. J'ai tant de choses à te dire avant que la faucheuse apparaisse. Depuis ce c'est la peur qui m'habite. Depuis j'ai perdu toute espérance, comme une âme en errance. C'est l'inertie totale qui m'empêche de mettre un pied devant l'autre. Sans regretter tous mes efforts semblent vains derrière ces portes. Je vois que le ciel ne m'a pas épargné. Mon chemin est pâle, rien pour espérer. J'enchaîne avec que dalle. Enfermé dans cette machine à broyer les hommes, j'entends dans ma tête ces bruits clés qui résonnent. Et le bruit de mon innocence se fait de plus en plus sourd. J'attends toujours mon tour, mais la justice reste sourde. Ces minutes au parloir ne font qu'augmenter le désespoir. Fini la liberté d'expression, place à la répression. Être ou ne pas être, ici n'est pas la question. Tuer ou être tué, tout ça sans concession. Aujourd'hui je ne peux aller plus loin sans même une étincelle. Au fond de ma cellule, tous mes sens sont synonymes d'irrationnel. Même le temps se fait la belle, que veux-tu? Ma vie est criminelle, juste et on dit, on me considère comme tel. Ici tu penses que tu contrôles, mais en fait c'est toi qui a le mauvais rôle. Ils te disent comment marcher, tu avances tête baissée, sans même chercher à sourciller. Maintenant, j'avance cœur creux, et j'ai perdu cette flamme dans les yeux. Je ne rends pas ma liberté de penser, même les deux points liés. Je continuerai à rêver toujours derrière cette porte métallique. C'est mon esprit qui détient la mécanique. Pas besoin de clic-clic. Je ne rends pas ma liberté de penser, même les deux points liés. Je continuerai à rêver toujours derrière ces portes métalliques. C'est mon esprit qui détient la mécanique. Pas besoin de clic-clic. Trop de saveurs me manquent pour savoir que je vis encore sur terre. Trop de choses viennent de disparaître, plus aucun signal à émettre. Ici rien ne doit paraître si tu ne veux pas disparaître. Ton caractère s'endurcit et ta vie garde son sursis. Chaque jour nos pensées sont mises à jour, on semble plus dormir. Le stress se fait sentir jusqu'à 4 murs pour nous soutenir. Même 6 heures de promenade, tous les deux jours deviennent indélébiles. Comme cette décision qui m'a rendu mon âme fébrile. Ici un simple regard peut prendre des proportions impressionnantes. Une simple pression sur la détente, c'est la poudre sur la tombe. Alors je tente de graser les murs. Lentement j'avance et tout devient dur. Pourquoi dehors ils ne veulent pas m'entendre? J'ai tant de choses à défendre, tant de choses à prétendre. Même mon avocat ne vient plus me voir. Alors dans ces cas-là, pourquoi encore garder de l'espoir? Selon combat où je pars, perdant et nul. Avec un autre choix, quatre planches m'adulent. Difficile de voir le crépuscule lorsque la justice a pris sa décision. C'est eux qui vont faire mon incision. Je ne rends pas ma liberté de penser, même les deux points liés. Je continuerai à rêver toujours derrière ces portes métalliques. C'est mon esprit qui détient la mécanique. Pas besoin de clic-clic. Je ne rends pas ma liberté de penser, même les deux points liés. Je continuerai à rêver toujours derrière ces portes métalliques. C'est mon esprit qui détient la mécanique. Pas besoin de clic-clic. Ne rends pas ma liberté de penser, même les deux points liés. Je continuerai à rêver toujours derrière ces portes.